Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Turquie au 20e siècle. Hava iyice bulanık olur. Şu anda da böyle bir bulanık hava söz konusudur. Ve bu havayı bulanık hale getirenler bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui fait une première apparition à la télévision turque à la suite d'une tentative de coup d'État contre son gouvernement dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Le président Erdogan dénonce les putschistes lors de cette intervention et prévient qu'ils paieront chèrement le prix de leurs actions et du chaos qu'elles ont provoqué. Le président Erdogan, qui en appelle aussi aux Turcs, qui les appelle en fait à descendre dans les rues pour résister à cette tentative de putsch contre son gouvernement. Si cette tentative de coup d'État échoue en Turquie en juillet 2016, l'histoire récente nous montre tout de même que les interventions militaires dans les affaires politiques du pays et que les coups d'État réussis en Turquie ont été nombreux et réguliers tout au cours du 20e siècle. Je joins Marie Forestier qui est à Istanbul. Marie, la situation est confuse présentement. Oui, la situation est vraiment confuse. Alors, tout a commencé il y a une heure et demie environ, lorsque des militaires se sont déployés sur les deux ponts qui passent au-dessus du Bosphore et qui relient la rive asiatique et la rive européenne d'Istanbul. Des avions militaires ont été entendus survoler à basse altitude dans la ville d'Ankara, la capitale. Et peu après, le Premier ministre turc a aussitôt dénoncé une action illégale, je cite, sans l'aval de la chaîne de commandement. En fait, c'est un groupe de l'armée, certains éléments parmi les militaires qui sont pointés du doigt dans une tentative de coup d'État. Le Premier ministre turc a affirmé que le gouvernement restait en fonction et qu'il allait répondre par la force à cette tentative de coup d'État. Et surtout, dernière information, il y a le chef de l'État-major serait retenu en otage par les militaires putschistes, selon l'agence de presse officielle turque. Donc vous voyez un déploiement dans plusieurs points de ces militaires putschistes et une situation assez confuse. La correspondance de Marie Forestier au Radio-Journal du 15 juillet 2016, la Turquie qui fait à nouveau face à une tentative de coup d'État, mais cette fois, elle va échouer, cette tentative de coup d'État. L'omniprésence de l'armée, les coups d'État répétés vont faire partie de l'histoire de la Turquie moderne. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce pays tout au cours du 20e siècle, je reçois l'historien Raphaël Welland, spécialiste des relations entre Occident et Orient. Raphaël, bonjour. Bonjour. Raphaël, en quoi d'abord, ce qui s'est passé justement à l'été 2016 en Turquie, de quelle manière c'est révélateur? Qu'est-ce que ça nous dit sur le fonctionnement de ce pays au 20e siècle, sur l'histoire de la Turquie du 20e siècle? Alors, on peut voir l'armée turque, en fait, elle se voit elle-même comme étant la conscience du pays, celle qui rappelle donc comment est-ce que le pays s'est formé, la République turque donc, et comment est-ce que donc elle doit garder ses principes fondateurs. Ces principes fondateurs, l'armée les interprète diversement selon les époques, et lorsque le gouvernement civil y déroge un peu trop à son goût, eh bien elle intervient pour recadrer un peu tout le monde, si nécessaire par la force et la violence. Et ça arrivera donc, et on va le voir au cours de cette émission, à maintes reprises, tout au cours du 20e siècle, l'armée va intervenir pour, ramener un peu la trajectoire là où elle veut qu'elle aille. C'est un peu ça le jeu. Sauver le pays, disons ouais. Les choses ainsi. Ça, c'est l'argumentaire. Effectivement, cette autorité soi-disant suprême de l'armée qui veut sauver le pays. Qui veut sauver le pays, on revient au début, le pays de Mustafa Kemal, l'esprit républicain, la laïcité turque de Mustafa Kemal, parce que cet État turc moderne, il naît en 1923, la République est fondée en 1923 par Mustafa Kemal, c'est le père de la nation. Parlez-nous de lui, qui est-il? Alors, la Turquie moderne, en fait, naît de la destruction de la Turquie précédente. La Turquie, c'est l'Empire ottoman, un grand empire pendant des siècles. Fin du 19e, début du 20e siècle, c'est l'homme malade de l'Europe, un pays qui est assez faible, grignoté, qu'on considère arriéré, divisé entre ses multiples minorités et nationalités, un pays qui va être vaincu lourdement dans la Première Guerre mondiale et qui, en 1920, va être obligé de signer le traité de Sèvres, qui va l'obliger en fait à se départir d'à peu près de l'essentiel de son territoire. Mmh. Même le territoire qui est aujourd'hui celui de la République de Turquie va être divisé. Alors, certains États nationaux, un Kurdistan, par exemple, une Arménie plus grande, mais aussi des zones d'influence grecque, italienne, française, britannique. Et c'est en rébellion contre cela et contre le sultan ottoman qui accepte cette reddition inconditionnelle que donc Mustafa Kemal, un ancien officier de l'armée ottomane, va réussir à rassembler des soldats autour de lui et va combattre les envahisseurs, l'injustice du sultan, etc. Il va partir, il va amener une guerre. Cette Turquie rétrécie, évidemment, il n'accepte pas. C'est un nationaliste, d'abord et avant tout, Mustafa Kemal. Absolument. C'est l'héritier, en fait, de mouvements nationalistes, de mouvements de modernisation, si nécessaire par la force, qui existent déjà à ce moment-là en Turquie depuis un bon demi-siècle. Ça fait longtemps que les Turcs, donc, essayent de résoudre les problèmes de l'homme malade. Et d'une certaine manière, ça va être l'aboutissement de ce mouvement que, donc, la révolution de Mustafa Kemal. Et c'est important donc de le voir tout de suite parce que, encore une fois, l'armée sera très très présente en Turquie tout au cours du 20e siècle. L'arrivée de Kemal, c'est une guerre pour reconquérir des territoires. C'est un militaire lui-même. C'est, au fond, c'est un premier coup d'État contre le sultan, la prise de pouvoir de Kemal en Turquie. D'une certaine manière, effectivement. Oui. C'est une guerre, vraiment une guerre nationale, une guerre qui va se mener au cœur du pays, jusqu'à la ville d'Ankara. Hein. La ville d'Ankara, en fait, devient la capitale à cette époque-là parce que la ville d'Istanbul, plus grande, plus belle, la capitale de l'Empire ottoman, n'appartient plus à la Turquie. Elle est détenue par le sultan, un peu par les Grecs, un peu par les troupes internationales. Et donc, c'est le fond de la Turquie qui va se réveiller et venir du fond des âges, sauver la patrie une première fois. Alors, il arrive, Mustafa Kemal, il crée cette république en 1923, il arrive avec une vision de ce que doit être cette Turquie, une Turquie qu'il veut moderne, industrialisée, et il va mettre toute une série de réformes en place. D'abord, sur sa vision, comment la voit-il, cette Turquie du 20e siècle? Alors, il la voit, disons, commençons la Turquie du 19e, il la voit arriérée et notamment tirée en arrière par ses traditions, ses privilèges et notamment sa religion. Donc, il veut une Turquie du XXe siècle qui soit libérée de ses différents boulets. Et pour ce faire, il va mettre en place un plan assez large. Alors d'abord, premier grand problème, les minorités. Et l'une d'entre elles en particulier, les Grecs, qui viennent de faire une guerre extrêmement dure contre la Turquie. On est allé donc jusqu'à Ankara et ensuite les Turcs ont repoussé les Grecs dans la mer Égée. Alors on va se débarrasser des minorités, un moyen très simple. On va chasser les Grecs de chez eux. Les Grecs vont chasser les Turcs qui vivaient en Grèce jusque-là de chez eux. Et on va faire un échange de population, 1 million de Grecs contre 500 000 Turcs. Ce qui mène d'ailleurs les Turcs à dire encore aujourd'hui que c'est la preuve qu'un Turc vaut deux Grecs. Ouais. Donc, on se débarrasse, on règle le problème des minorités. On va ensuite régler d'autres problèmes. On va lancer une économie dirigée, toutes sortes d'investissements. On a peur des dettes extérieures qui avaient miné le développement de la Turquie ottomane. Donc là, on va éviter ce genre de choses. Une banque centrale, des investissements du genre. On va lancer toutes sortes de réformes dans le milieu de l'éducation. Ouais. Éducation primaire obligatoire, éducation des filles aussi. Toutes sortes de lois, les lois vont changer. Alors, on va aller piquer un peu chez les Italiens, un peu chez les Français, un peu chez les Allemands. Le calendrier, on va prendre le calendrier occidental, l'alphabet occidental, les gens vont devoir avoir des noms de famille, on va interdire l'habillement oriental, le fameux fez rouge, on va interdire les chants et les danses orientales, donc on va lancer ce pays dans la modernité, dans la modernisation. Et dans l'occidentalisation, il occidentalise la Turquie, c'est ce qu'il fait au fond. Absolument. Ouais. Et écoutez, ça ne va pas se faire tout seul, disons les choses ainsi. Il est, on parle beaucoup quand on parle de cette Turquie du 20e siècle, de cette Turquie de Mustafa Kemal, de la laïcité à la Turque, de cette république laïque. Comment expliquer son combat, mais vraiment presque son obsession, Raphaël Wallan, contre l'islam? Alors, il faut vraiment le voir. Pour lui, l'islam est un de ces ferments donc d'arriération nationale. Il faut s'en débarrasser parce que c'est un symbole fort donc de cette Turquie qui a échoué et notamment dans la Première Guerre mondiale. Mais l'islam, c'est aussi l'une des forces principales qui s'est dressée contre lui. Le sultan contre lequel il s'est révolté est aussi en même temps le calife, le chef religieux. Et il a lancé les différents cadres musulmans de Turquie contre Mustafa Kemal. Ils n'ont pas tous obéi, mais il y en a certains. Il y a une fameuse armée verte, comme la couleur de l'islam, qui va se dresser contre lui et il va être obligé de la vaincre, tout autant qu'il sera obligé de vaincre les autres ennemis de la nation, donc les Grecs, les Français, les Anglais. Donc, l'islam devient d'une certaine manière traître à la patrie, traître parce qu'elle a arriéré le pays et traître parce qu'elle s'est opposée à Mustafa Kemal et à ses révolutions. C'est quand même assez spectaculaire. Il réussit à moderniser, à laïciser ce pays. Comment réussit-il à éloigner ce pays à ce point de l'islam sans qu'il y ait de révolte? Alors justement, il y en aura des révoltes. Il y aura donc, en fait, d'une certaine manière, l'islam va devenir un drapeau de ralliement pour tous ses opposants. Il y aura une révolte célèbre en 1930. Il essaye d'imposer de nouveaux partis politiques, mais les partis politiques ont d'autres idées que les siennes. Alors finalement, il les fait interdire. Et lorsqu'il les fait interdire, les révoltes sont rassemblées autour d'imams et autour de la religion. Donc, la religion était l'ennemi de Mustafa Kemal dès le départ, avec le sultan, et elle continue parce que il, à force de marteler et de taper dessus, eh bien, ça devient donc le point de ralliement de ses adversaires. Ouais. On va entrer dans la tranche coup d'État de l'émission. Il y en aura un premier en 1960, mais juste avant de parler de ce coup d'État, un reportage préparé par les Français, une petite actualité française qui date de juin 60, juste après, donc qui est diffusé juste après le coup d'État du 2 mai 1960. Au fond, les Français, dans cette petite capsule, font un peu le bilan de cette Turquie moderne qu'a laissé Mustafa Kemal jusqu'à ce coup d'État de 1960. C'est qu'en moins de 40 ans, ce pays a dû passer du Moyen-Âge à l'époque atomique. Aujourd'hui, la femme turque mène une vie comparable à celle de ses compagnes d'Occident, gagnant sa vie à l'usine, travaillant à l'atelier, délaissant le pittoresque haïk des héroïnes de Pierre Loti et s'habillant à la mode européenne. La femme a même conquis le droit à l'instruction. Qui a vu ses étudiantes sortant des cours, toutes pareilles à leurs sœurs de France ou d'Amérique, peut constater à quel point la structure de la vie turque a changé. Ne peut-on même dire que dans ce domaine, la Turquie est allée plus loin que d'autres nations? Un petit fait permettra de conclure. Les escadrilles de chasseurs à réaction comptent dans leur rang des officiers pilotes féminins qui, au milieu de leurs compagnons masculins, accomplissent la même tâche difficile et suivent les mêmes disciplines. La Turquie, l'arriéré d'hier, est peut-être aujourd'hui le seul pays au monde à offrir ce spectacle étonnant. Et nous pouvons penser que la Turquie n'est pas au bout de sa métamorphose et que, à la suite de la nouvelle orientation, elle va faire un nouveau pas dans le monde. Il est surtout question de la situation des femmes dans ce reportage qu'on vient d'entendre, Raphaël Wallad, mais sur cette Turquie moderne, en fait. C'est ça que nous montrent les Français avec ce genre de reportage. Ça plaît, ça. Cette Turquie de 1960, elle est citée en exemple par l'Occident comme pays musulman. On aime cette Turquie-là. Oui, vu de l'Occident. Absolument, mais c'est un petit peu aussi parce que cette présentation-là est une sorte de réalité fantasmée. Elle laisse de côté les sacrifices qu'il faut faire pour en arriver là, et notamment des sacrifices au niveau des libertés personnelles, des sacrifices au niveau de couper toutes les têtes qui dépassent. Oui, les gens peuvent vivre à l'usine et s'habiller comme on s'habillerait en France ou aux États-Unis, mais ils sont obligés de le faire. Oui. Donc, la modernité, oui, mais au prix d'une certaine dictature. Et qu'est-ce qui fait, de fait, il y a déjà un élément de réponse dans ce que vous nous dites, mais qu'est-ce qui fait que dans cette Turquie moderne, admirée de l'Occident, il y a ce premier coup d'État en 1960? Alors, ce premier coup d'État, donc en 1960, il met fin à une première période de multipartisme en Turquie. De 1945 à 1960, il y aura quelques élections libres avec des partis qui s'éloignent pas très loin de la ligne de Mustafa Kemal, mais néanmoins on s'éloigne quelque peu, on va faire toutes sortes de choses. C'est une période aussi de grand développement économique, notamment avec l'aide Marshall. Le plan Marshall est notamment dédié en premier lieu à la Grèce et à la Turquie. Sauf que les choses commencent à moins bien aller à partir de la fin des années 50. Le plan Marshall commence à arrêter. On a de moins en moins d'argent. Le nouveau parti au pouvoir, qui n'est pas tout à fait issu des mêmes milieux que l'armée, va commencer à permettre la construction de mosquées, l'appel à la prière. Donc on va donner quelques libertés individuelles supplémentaires. Mais en même temps aussi, on va mettre sur pied des commissions qui rappellent quelque peu le macartisme américain. Ouais. Pas contre les communistes, mais contre les ennemis de la nation, les ennemis du parti au pouvoir. Et c'est pour lutter contre cette ouverture du parti, donc ce parti qui semble ne pas aller dans la direction du kémalisme. C'est pour cela que l'armée va intervenir en 1960. Bon, c'est aussi à ce moment-là, je le signale parce que ce sera important pour la suite des choses, qu'un premier parti islamiste apparaît. Alors, juste après, en fait. Oui. Ça va être, c'est juste après la période du coup d'État. En 1960, donc, le coup d'État a lieu. Et dans la deuxième période de multipartisme, à partir de 1965, on va mettre en place une nouvelle constitution qui va donner quelques libertés supplémentaires. Et entre autres, le fait d'avoir un premier parti islamiste, qu'on va rapidement interdire. Cependant, trop de libertés, c'est quand même pas très bien. Oui. 1971, deuxième coup d'État, que se passe-t-il ? Alors, la situation, en fait, ne s'est pas tout à fait améliorée après 1960. L'armée a, d'une certaine manière, mis un couvercle sur une marmite, et la marmite a continué à bouillir, et elle va continuer à bouillir tout au long des années 60. On va voir des gens se mettre en grève. Comment est-ce que c'est possible ? On va mettre tout à... Donc, en fait, toute cette vision qu'on présentait tout à l'heure, donc ce reportage de Turc très heureux, ouais. Eh bien, tout à coup, cette image-là va voler en éclats. Mmh. Et donc, on va avoir des grèves, on va avoir des assassinats politiques d'un côté comme de l'autre, donc des gauchistes qui vont assassiner des banquiers, des gens d'extrême droite qui vont assassiner des journalistes, des leaders syndicaux. Et donc, finalement, en 1971, l'armée décide d'intervenir pour mettre un terme à ces violences. Bon, alors on le voit déjà, coup d'État en 60, coup d'État en 71, la constance c'est que l'armée intervient quand les affaires vont pas comme elle juge qu'elles doivent aller, ces affaires-là. L'armée qui se donne à chaque fois, Raphaël Walland, une espèce d'autorité morale, d'autorité suprême pour, soi-disant, donc, préserver cette Turquie de Mustafa Kemal. On écoute un extrait de reportage, en fait, une correspondance, le journaliste Georges Pitoef, le 16 mars 71, puis on revient sur ce rôle que se donne, dont s'investit l'armée dans ce pays. L'armée en Turquie a une tradition kémaliste, c'est-à-dire républicaine, une tradition laïque, et elle se considère elle-même, et elle est considérée encore aujourd'hui par une grande partie de la population comme une sorte de référence suprême, de référence morale, qui est là pour veiller non seulement sur l'application de la lettre de la Constitution, mais de l'esprit de la Constitution. C'est elle qui semble être la référence, bien plus que les députés, que le Parlement, que le Sénat. Et si elle est intervenue ces jours-ci, et si elle continue d'intervenir et de proposer des gens à elle pour prendre la tête du gouvernement, c'est parce qu'elle estime que c'est vraiment elle qui incarne l'esprit de la République démocratique et laïque fondée par Atatürk. Ça sera une constance, Raphaël Walland. À chaque fois que l'armée interviendra en Turquie au XXe siècle, ce sera pour, sous ce motif, ce prétexte de dire « Nous sommes les gardiens, non pas de la foi, mais de l'orthodoxie à la République de Mustafa Kemal ». Qu'est-ce que ça cache? La vraie question, c'est que protège, que veut protéger et qui protège l'armée? Alors, d'une certaine manière, l'armée protège la mémoire d'Atatürk, sauf que cette mémoire, bon, on la triture, bien sûr. L'armée va, avec le temps, protéger ses propres intérêts, ouais. Protéger des intérêts économiques aussi, on va le voir en particulier après le coup d'État de 1980, mais aussi l'armée, en fait, d'une certaine manière, fondamentalement, considère qu'elle sait et que le peuple laissé lui-même fera des erreurs, fera des bêtises et s'en ira dans la mauvaise direction. Donc, plutôt que la démocratie, ce que ça prend, c'est une démocratie dirigée avec une armée qui, lorsque le peuple fait des bêtises, donc ramène tout le monde très paternaliste. On laisse aller la démocratie, mais on donne un petit coup de bâton aux besoins. C'est absolument. Un peu ça. Donc des partis qui vont être pré-approuvés par l'armée, des ennemis qui sont identifiés par l'armée, les Kurdes, par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais il est impensable d'avoir une politique qui permettrait de donner des droits aux Kurdes. Il faut les combattre. Ouais. On voit aussi dans les années 70, il faut qu'un parti accepte le fait que l'armée ait envahi une partie de l'île de Chypre. Donc toutes sortes de choses qu'on va imposer aux partis. Ouais. Vous respectez ce cadre, et sinon, il y a la prison. Troisième coup d'État, le 12 septembre 80, il est particulièrement important. Pourquoi ? C'est un coup d'État beaucoup plus violent que les autres. Avant cela, l'armée s'était surtout investie auprès des parlementaires. Mais là, cette fois-ci, on va arrêter 650 000 personnes. C'est une période très noire dans l'histoire de la Turquie. Même avant le coup d'État, il y a une dizaine de personnes qui meurent par jour dans le pays. Des violences entre gauche, droite, toutes sortes de choses. Fin des années 70, là, c'est très, très, très violent. Tout à fait. Ouais. Il y a les fameux loups gris aussi, qui sont des espèces de milices paramilitaires. Donc, 650 000 arrestations, des tortures, des exécutions. On va mettre en place une nouvelle constitution aussi, qui dirige la Turquie jusqu'à aujourd'hui, avec des mesures floues, par exemple, crime contre la turcité. Donc, il faut respecter le caractère turc. Ça veut dire pas le droit de parler pour les Kurdes, par exemple, de remettre en question, de parler de génocide des Arméniens. On va mettre en place une notion de laïcité dont l'armée est garante, mais aussi et surtout, l'armée va créer le Conseil de sécurité nationale, qui est une sorte d'organe de surveillance permanent qui va permettre à l'armée d'intervenir dans la vie du pays. Au fond, ce n'est pas le coup, celui de 80 à Raphaël Hollande, où l'armée se rend compte qu'elle a un petit peu laissé aller les choses, qu'elle a un peu, entre guillemets, perdu le contrôle. Et là, on reprend les guides bien en main. Alors, je pense que l'armée s'est dit à ce moment-là, ça fait deux fois qu'on intervient doucement. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est le temps d'avoir la main lourde. On va faire toutes sortes de choses et notamment, on va intervenir pour vendre toutes sortes d'entreprises, privatisation, vente de feu, qui vont permettre à l'armée de renforcer son pouvoir économique, mais aussi de se faire de nouveaux alliés, une classe d'affaires qui monte à cette époque-là en Turquie. 97, nouvelle intervention de l'armée. C'est intéressant parce que l'armée intervient pour écarter un premier ministre qu'on juge trop ouvertement islamiste. Ça marche, mais pas complètement, en fait, parce qu'en même temps, on voit bien qu'il y a une réelle montée, parliez du choix du peuple tout à l'heure, l'islamisme politique, cette force-là continue de monter, même si on réussit ponctuellement à écarter un homme. Tout à fait. Donc, en 97, effectivement, on va se débarrasser d'un homme. En fait, on va se débarrasser de tout son parti. On va l'interdire, on va s'emparer des locaux, on va mettre différentes personnes en prison. Sauf que ce parti, alors le parti du bien-être, tout un nom, ce parti-là va, en fait, est l'émanation d'une volonté de la population qui a moins profité que d'autres, justement, des actions de l'armée des années 80, etc. Une sorte de scandale de corruption, des choses du genre. En particulier, donc, les régions qui ne sont pas les régions côtières de la Turquie, plus pauvres, plus traditionnalistes, ces régions-là vont voter massivement pour ce parti. Et ce qui va lui apporter vraiment la victoire, c'est le fait qu'il y a beaucoup de migration interne, beaucoup de gens de ces régions-là qui vont s'en aller à Istanbul. Et petit à petit, Istanbul va basculer du camp de l'armée et du kémalisme au camp de l'intérieur du pays et du parti du bien-être ou de l'AKP aujourd'hui, le parti du président Erdogan. Voilà, c'est un peu les premières années d'ailleurs de Recep Tayyip Erdogan. 2007, nouvelle intervention de l'armée qui s'oppose vraiment directement au premier ministre. Il est premier ministre à l'époque, au premier ministre Erdogan. De fait, depuis 2002, son parti va remporter toutes les élections. Donc l'armée intervient, mais là, ça ne marche pas. Est-ce que c'est un peu court de dire ça, mais est-ce que c'est le début de la fin de tout ce qu'on a vu? De ce dont aurait été fait cette Turquie du 20e siècle, j'allais dire même d'une certaine manière du kémalisme. Écoutez, ce coup d'État de 2016, donc le dernier coup d'État, est le seul qui ait échoué. Jusqu'à présent, donc, ça n'avait jamais été possible. Alors, il y a de toute évidence des forces nouvelles qui se sont levées à l'intérieur du pays et ces forces-là réussissent aujourd'hui à contrebalancer une certaine vision du kémalisme et en tout cas l'idée d'une démocratie qui devrait exister à l'intérieur d'un cadre, un cadre dont l'armée serait le garant mais aussi le dessinateur parce que l'armée décide ce qu'Atatürk a dit, ce qui est kémalien et ce qui ne l'est pas. Raphaël Hollande, historien, spécialiste des relations entre l'Orient et l'Occident dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, merci beaucoup pour cette participation. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.